L'origine de la tragédie. Pour être juste à l'égard de l'origine de la tragédie, 1876, il va falloir oublier certaines choses. Elle a fait de l'effet, et même fasciné, avec ce qui était manqué, avec son application à la Wagnerie, comme si celle-ci était le symptôme de quelque chose qui commence. Par là même, cet écrit était un événement dans la vie de Wagner. C'est seulement à partir du moment de son apparition que le nom de Wagner représenta de grands espoirs. Aujourd'hui encore, on me rappelle parfois, en plein Parsifal, que c'est de ma faute qu'une si haute opinion au sujet de la valeur culturelle de ce mouvement ait prévalu. J'ai plusieurs fois vu citer l'ouvrage sous le titre de « La renaissance de la tragédie par l'esprit de la musique ». On a prêté l'oreille qu'à une formule nouvelle de l'art, du but, de la tâche chez Wagner. On semblait ne pas s'apercevoir de ce que cet écrit cachait de précieux. Hellénisme et pessimisme. C'eût été là un titre sans équivoque, vu qu'il est enseigné pour la première fois dans cet ouvrage comment les Grecs parvinrent à en finir avec le pessimisme, comment ils l'ont surmonté. La tragédie, précisément, est la preuve que les Grecs n'étaient pas des pessimistes. Schopenhauer s'est trompé là comme il s'est trompé partout. Pris en main, avec quelque peu d'impartialité, l'origine de la tragédie a l'air très inactuelle. On ne se douterait pas en rêve qu'elle a été commencée sous les coups de canon de la bataille de Wörth. J'ai réfléchi à ces problèmes sous les murs de Metz, pendant de froides nuits de septembre, alors que j'étais attaché au service de santé. On pourrait croire bien plutôt qu'elle est de 50 ans plus ancienne. Politiquement, elle est indifférente, non-allemande, comme on dirait aujourd'hui. Elle sent l'hégélianisme, d'une façon assez scabreuse, et seulement dans certaines formules, le parfum de croque-mort particulier à Schopenhauer y est attaché. Une idée, l'opposition entre dionysien et apollinien, y est traduite métaphysiquement. L'histoire elle-même y est considérée comme le développement de cette idée. Dans la tragédie, l'antithèse avec l'unité est supprimée. Sous cette optique, des choses qui ne s'étaient jamais vues face à face sont opposées l'une à l'autre, éclairées et comprises l'une par l'autre. L'opéra, par exemple, et la Révolution. Les deux innovations définitives du livre sont d'abord l'interprétation du phénomène dionysien chez les Grecs, il en donne pour la première fois la psychologie, il y voit l'une des racines de l'art grec tout entier, et ensuite l'interprétation du socratisme. Socrate y est présenté pour la première fois comme l'instrument de la décomposition grecque, comme le décadent type. La raison s'oppose à l'instinct. La raison à tout prix apparaît comme une puissance dangereuse, comme une puissance qui mine la vie. Dans le livre tout entier, il y a un silence profond et hostile pour tout ce qui touche le christianisme. Celui-ci n'est ni apollinien ni dionysien. Il nie toutes les valeurs esthétiques, les seules que reconnaissent l'origine de la tragédie. Il est nihiliste au sens le plus profond, alors que dans le symbole dionysien, la limite extrême de l'affirmation est atteinte. Une fois, il est fait allusion au prêtre chrétien, comme à une espèce sournoise de nain, comme à des êtres souterrains. Ce début est singulier au-delà de toute expression. J'avais découvert, pour mon expérience personnelle, le seul symbole, la seule réplique que possède l'histoire, et je fus ainsi le premier à comprendre le merveilleux phénomène du dionysien. De même, par le fait que j'ai démasqué Socrate pour reconnaître en lui un décadent, j'ai démontré sans équivoque que la sûreté de mon tour de main psychologique ne courait nul danger du fait d'une idiosyncrasie morale quelconque. La morale elle-même, considérée comme un symptôme de décadence, c'est là une innovation, une chose unique et de premier ordre dans l'histoire de la connaissance. Dans les deux cas, j'ai fait un bond formidable par-dessus le plat et triste bavardage qu'est la querelle entre l'optimisme et le pessimisme. je fus le premier à voir la véritable antithèse. L'instinct qui dégénère et qui se tourne contre la vie avec une haine souterraine, christianisme, philosophie de Schopenhauer en un certain sens, déjà la philosophie de Platon, l'idéalisme tout entier comme formule typique, et une formule de l'affirmation supérieure, née de la plénitude et de l'abondance, une approbation sans restriction, l'approbation même de la souffrance, même de la faute, de tout ce que l'existence a de problématique et d'étrange. Cette dernière et joyeuse confirmation de la vie, confirmation débordante et impétueuse, répond non seulement à l'entendement supérieur, elle répond aussi à l'entendement le plus profond, celui que la vérité, la science ont confirmé et soutenu avec le plus de sévérité. De tout ce qui est, il n'y a rien que l'on puisse retrancher, rien dont on puisse se passer. Les aspects de l'existence rejetés par les chrétiens et autres nihilistes occupent même un rang beaucoup plus élevé dans la hiérarchie des valeurs que tout ce que l'instinct de décadence a jamais trouvé bon et trouvé bon d'approuver. Pour comprendre cela, il faut du courage. Et, condition de ce courage, un excédent de force. Car c'est exactement aussi loin que le courage a le droit de s'aventurer, c'est exactement à proportion de sa force que l'on approche de la vérité. La connaissance de la réalité, l'acquiescement à la réalité, voilà, pour l'homme fort, une nécessité aussi impérieuse que, pour l'homme faible, sous l'inspiration de sa faiblesse, la fuite devant la réalité. Bref, l'idéal. Ils ne sont pas libres d'accéder à la connaissance. Les décadents ont besoin du mensonge. C'est l'une des conditions de leur survie. Qui non seulement comprend le mot dionysien, mais se comprend dans le mot dionysien, n'a pas besoin d'une réfutation de Platon ou du christianisme ou de Schopenhauer. Il flaire de loin la décomposition. Jusqu'à quel point j'avais trouvé là l'idée du tragique, la notion définitive de ce qu'est la psychologie de la tragédie, je l'ai exprimé en dernier lieu à la page 139 du Crépuscule des idoles. L'affirmation de la vie, même dans ses problèmes les plus étranges et les plus ardus, la volonté de vie se réjouissant de faire le sacrifice de ses types les plus élevés au bénéfice de son propre caractère inépuisable. C'est ce que j'ai appelé dionysien. C'est en cela que j'ai cru reconnaître le fil conducteur qui mène à la psychologie du poète tragique. Non pour se débarrasser de la crainte et de la pitié, non pour se purifier d'une passion dangereuse par sa décharge véhémente, c'est ainsi que l'a entendu Aristote, mais pour personnifier soi-même, au-dessus de la crainte et de la pitié, l'éternelle joie du devenir, cette joie qui porte encore en elle la joie de l'anéantissement. Dans ce sens, j'ai le droit de me considérer moi-même comme le premier philosophe tragique, c'est-à-dire comme l'antithèse extrême et l'antipode d'un philosophe pessimiste. Avant moi, cette transposition du dionysien en une émotion philosophique n'a pas existé. La sagesse tragique faisait défaut. J'en ai vainement cherché les traces, même chez les grands Grecs parmi les philosophes, ceux des deux siècles qui ont précédé Socrate. Un doute me restait au sujet d'Héraclite, dans le voisinage de qui je sentais un certain bien-être, une certaine chaleur que je n'ai rencontrée nulle part ailleurs. L'acquiescement à l'impermanence et à l'anéantissement, le oui dit à la contradiction et à la guerre, le devenir impliquant le refus de la notion même d'être, en cela il me faut reconnaître en tout cas la pensée la plus proche de la mienne qui ait jamais été conçue. La doctrine de l'éternel retour, c'est-à-dire de la répétition absolue et infinie de toute chose, cette doctrine de Zarathoustra pourrait, en fin de compte, déjà avoir été enseignée autrefois. Les stoïciens, du moins, qui ont hérité d'Héraclite presque toutes leurs idées fondamentales, en présentent des traces. Dans cet écrit s'affirme un espoir formidable. Je n'ai après tout aucune raison de renoncer à l'espoir que je place en un avenir dionysien de la musique. Projetons nos regards à un siècle en avant. Admettons que mon attentat contre 20 siècles de contre-nature et de violation de l'humanité réussisse. Ce nouveau parti, qui sera le parti de la vie, et qui prendra en main la plus belle de toutes les tâches, la discipline et le perfectionnement de l'humanité, y compris la destruction impitoyable de tout ce qui présente des caractères dégénérés et parasitaires, ce parti rendra de nouveau possible la présence sur Terre de cet excédent de vie, d'où sortira certainement de nouveau la condition dionysienne. Je promets la venue d'une époque tragique. L'art le plus élevé, dans l'affirmation de la vie, naîtra encore quand l'humanité aura derrière elle la conscience des guerres les plus dures mais les plus nécessaires, sans qu'elle en ait souffert. Un psychologue pourrait ajouter que ce que j'ai entendu dans mes jeunes années, en écoutant de la musique dionysienne, n'a absolument rien de commun avec Wagner, que lorsque je décris la musique dionysienne, je décris ce que j'avais entendu, car instinctivement je devais tout traduire et transfigurer en vue du nouvel esprit que je portais en moi. La preuve s'en trouve dans mon livre « Richard Wagner à Bayreuth », et cette preuve est aussi décisive qu'elle peut l'être. Dans tous les passages qui ont une signification psychologique, il n'est jamais question que de moi. On peut, sans avoir égard à rien, placer mon nom ou le mot Zarathoustra là où le texte indique Wagner. L'image que je présente de l'artiste dithyrambique n'est autre chose que l'image du poète préexistant de Zarathoustra, jeté sur le papier avec une singulière profondeur de vue et sans que la réalité wagnérienne soit seulement touchée. Wagner fut seul à s'en rendre compte. Il lui fut impossible de se reconnaître dans le volume. De même, l'idée de Bayreuth s'était transformée en quelque chose qui n'aura rien d'énigmatique pour ceux qui connaissent mon Zarathoustra. On la retrouve dans ce grand midi, où ceux qui sont élus entre tous se vouent à la plus sublime de toutes les tâches. Qui sait? C'est peut-être la vision d'une fête que je verrai encore. Ce que les premières pages ont de pathétique appartient à l'histoire universelle. Le regard dont il est question à la 7e page est le véritable regard de Zarathoustra. Wagner, Bayreuth, cette petite chose pitoyable et allemande, c'est un nuage où se reflète le palais de la fée Morgane, l'infini mirage de l'avenir. Même au point de vue psychologique, tous les traits définitifs de ma propre nature sont inscrits dans l'image de Wagner. Le côte à côte des forces les plus lumineuses et les plus fatales, une volonté de puissance telle que jamais homme ne l'a possédée. La bravoure implacable dans les choses de l'esprit, la force illimitée d'apprendre sans que la volonté d'agir soit étouffée. Tout dans cet écrit est annoncé d'avance, le prochain retour de l'esprit grec, la nécessité d'hommes qui seraient des contre-Alexandres, de ceux qui liraient de nouveau le nœud gordien de la civilisation grecque après qu'il a été tranché. Qu'on écoute l'accent vraiment universel que je mets à introduire à la page 30, l'idée de sentiment tragique. Il n'y a que des accents historiques dans cet écrit. Ceci est l'objectivité la plus étrange qui puisse exister. La certitude absolue au sujet de ce que je suis est projetée sur une quelconque réalité du hasard. La vérité à mon sujet parle au fond d'un gouffre plein d'épouvante. À la page 71, le style de Zarathoustra est décrit par anticipation avec une incisive sûreté de main, et jamais on n'aura trouvé une expression plus grandiose pour l'événement qu'est Zarathoustra, un acte prodigieux de purification et de sanctification de l'humanité, que ce que l'on peut lire aux pages 43 à 46.